Troisième partie, Maman Lison. Chapitre 1. Le matin du jour qui suivait les incidents racontés par nous dans nos précédents chapitres, Ovid Solivo, un peu avant 11h, arriva au restaurant où il déjeunait assez souvent avec Amanda. Celle-ci ne se fit point attendre, et dit en rentrant dans le cabinet réservé pour eux, « Déjeunons vite, je meurs de faim. » Amanda n'avait point exagéré son appétit. Elle se mit à dévorer. Ovid lui mangeait à peine et paraissait soucieux. « Ah ça, qu'avez-vous donc? Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Êtes-vous malade ?»« Non, je m'ennuie de la monotonie de l'existence. Menez-moi passer quelques jours à la campagne. » En disant ces mots, Mademoiselle Amanda commettait une grave imprudence. Ovid dissimula un sourire de satisfaction. « Vous n'êtes pas libre, dit-il. Je demanderai un congé à ma patronne. »« Eh bien, demandez le congé. Je vous emmène à la campagne pour 8 jours ce soir. »« Je ne demande pas mieux. Où irons-nous ?»« Choisissez l'endroit, ça m'est égal, pourvu qu'il soit au bord de l'eau. »« Vous louerez un canot et nous irons nous promener sur la rivière, du matin au soir. » « Connaissez-vous Bois-le-Roi, sur la lisière de la forêt de Fontainebleau et sur les bords de la Seine ?»« Eh bien, va pour Bois-le-Roi. Après déjeuner, je prendrai le chemin de fer, et j'irai m'occuper des détails. Obtenez l'autorisation de Madame Augustine, faites les achats nécessaires pour 8 jours de villégiature, et venez me retrouver. » Ovid présentait un billet de banque à l'essayeuse. « Merci, j'irai vous rejoindre pour l'heure du dîner. » Ovid devait attendre Amanda à la gare, le soir. La jeune femme regagna l'atelier, alla trouver Madame Augustine et lui dit d'une voix émue, en essuyant avec son mouchoir une larme factice, qu'une de ses tantes était gravement malade et désirait la voir. Le congé fut accordé. Ovid s'était fait conduire chez lui, avait préparé une valise, placé entre 2 chemises une fiole contenant certaines liqueurs, dont nous connaissons déjà les effets. Puis il était parti pour Bois-le-Roi. Une auberge de modeste apparence, à l'enseigne du rendez-vous des chasseurs, se trouva sur son chemin. « Pouvez-vous me louer un appartement pour 1 semaine ?» demanda-t-il à l'hôtesse qui répondit. « Nous possédons à 100 pas d'ici un joli pavillon, la villa des Mûriers. Monsieur viendra déjeuner et dîner ici, ou on le servira dans le pavillon, à son choix. »« Très bien, mais j'aurai besoin d'un canot. Nous en avons 6. Vous choisirez celui qui vous plaira. »« Parfait. Maintenant, veuillez préparer à dîner pour 2 personnes. » L'hôtesse du rendez-vous des chasseurs appela une servante et lui donna l'ordre de conduire le voyageur au pavillon. C'était une maison exiguë mais fort coquette, n'ayant qu'un rez-de-chaussée divisé en 4 petites pièces, une salle à manger, 2 chambres à coucher et 1 cuisine. Ovid serra sa valise dans son armoire dont il eut soin de retirer la clé. Puis il revint à l'hôtel et traça les lignes suivantes. « Mon cher ami, je suis en villégiature à Bois-le-Roi avec une jolie personne. Si tu avais besoin de moi, écris ou télégraphie au baron Arnold de Ress à l'hôtel du rendez-vous des chasseurs. Bien à toi, Ovid. » Cela fait, le Dijonnais se dirigea vers la gare où il mit sa lettre à la poste. Il avait 1 heure à employer. La forêt de Fontainebleau lui offrit un but de promenade. Il aperçut un groupe de 5 personnes assises au pied d'un chêne. Au centre se trouvait un homme dont les cheveux blancs attestaient le grand âge. À sa droite se voyait une femme de 50 ans environ et 2 jeunes filles. À sa gauche, un homme de 49 ans, vêtu de noir. Disons tout de suite que c'était un médecin. Ovid avançait toujours. La voix du vieillard, un octogénaire, frappa son oreille et il tressaillit. « C'est singulier, se disait-il en s'éloignant. Voilà une voix qu'il me semble bien avoir entendue quelque part. Et l'homme en redingote noire, je le connais aussi. » Laissons-le s'éloigner. Le médecin parlait. Ainsi, disait-il, en 1861, vous vous êtes embarqué à Londres sur le Lord Mare, à destination de New York. Sans nous en douter, nous nous trouvions sur le même navire, Monsieur Bosque. Il y avait à bord un grand industriel américain, James Mortimer, et un Français, plus tard son gendre, Monsieur Paul Armand. Oui, nous étions ensemble, fit l'octogénaire. Ce nom de Mortimer me le prouve, et me rappelle une tentative de vol dont j'ai failli être victime. J'avais sur moi, dans une sacoche, une somme importante. Un misérable coupa la courroie et s'empara de la sacoche. Elle vous a été rendue, cependant ? Oui, grâce à un passager qui avait surpris le voleur. Sur ce même paquebot, reprit le médecin, j'ai eu l'occasion de causer avec un Canadien qui m'a fait connaître un liquide que les Indiens nomment liqueur bavarde, et qui est à peu près l'équivalent du pot où il passe, mais sans le côté toxique, ou du moins avec ce côté bien amoindri. « Oui, oui, je connais, » répondit l'ex-agent de la Sûreté, René Bosque. « Cette liqueur fait parler les plus discrets. En avez-vous fait l'expérience ?»« Oui, et j'ai toujours obtenu le résultat souhaité. » Êtes-vous pour longtemps dans ce pays ? Pour quelques jours seulement. Je suis venu voir ma sœur souffrante, et je profite de mon séjour ici en me reposant. Eh bien, tout le temps que vous resterez à Bois-le-Roi, voyons-nous chaque jour, je vous en prie. Nous parlerons de cette belle Amérique que j'aime. Cher monsieur Bosque, je vous le promets. Le médecin aida l'octogénaire à se relever, et les cinq personnages prirent le chemin de Bois-le-Roi, où l'ex-agent de la sûreté habitait une maison sur les bords de la Seine. Ovide était revenu sur ses pas, car l'heure s'avançait. Un coup de sifflet prolongé lui annonça l'arrivée du train de Paris à Bois-le-Roi. Amanda descendit d'un compartiment de première classe fort coquettement mise et jolie à ravir. « Avez-vous trouvé quelque chose de confortable ? » demanda-t-elle au pseudo-baron de Reiss. « Vous en jugerez tout à l'heure. Le dîner nous attend. »« Et le canot ? » ?»« L'hôtel en possède 6. Vous choisirez. » Ovide et sa compagne arrivèrent au rendez-vous des chasseurs. Ovide conduisit Amanda au pavillon. « C'est très gentil ici, » s'écria la fille. « Nous serons comme chez nous. Mais où prendrons-nous nos repas ?»« À l'hôtel, » répondit Ovide. « Ah, ça, par exemple, c'est ennuyeux. Le déjeuner passe encore, mais pas le dîner. » « J'aimerais dîner ici. On se met à son aise. Arrangez-vous pour qu'on nous serve ici le soir. » On rejoignit l'hôtel où le dîner attendait. « Madame satisfaite du pavillon ?» demanda l'hôtesse. « Tout à fait. Vous serez tranquille. Pas de voisins, sauf à droite, une maison habitée par une dame, la sœur du docteur Richard. Si je suis malade, je l'appellerai par-dessus le mur. » « Il ne vous entendrait pas. La propriété est grande, et la maison se trouve au bout du jardin. » Ovide écoutait avec attention et notait chaque parole. Depuis 4 jours, nos deux personnages habitaient Bois-le-Roi, dont c'était la fête patronale. La jeune fille, voyant le pseudo-baron de Reiss attentif auprès d'elle, commençait à croire qu'elle l'avait mal jugé, qu'il ne songeait nullement à se servir contre elle de la déclaration dont il était possesseur. Après le déjeuner, Amanda eut envie de faire une promenade en bateau. Depuis le matin, Ovide s'était plaint d'un violent mal de tête. « Ma belle poulette, fit-il, je n'aurais pas aujourd'hui le courage de vous accompagner. Permettez-moi d'aller me reposer. » Où nous retrouvons-nous ? Je ne veux point abuser de vous, répondit Amanda. J'irai faire un tour sur la rivière. Allez vous reposer. Ici avant dîner, j'y viendrai prendre mon absinthe. Ovide quitta la jeune femme et se rendit à la villa des Mûriers. Une fois la porte du pavillon refermée derrière lui, ouvrant l'armoire dans laquelle il avait soigneusement enfermé sa valise, il tira de cette valise la fiole que nous l'avons vue placer entre 2 chemises. Un sourire vint à ses lèvres tandis qu'il regardait cette fiole. « La liqueur bavarde, fit-il, me donnera encore un résultat. » Un buffet supportait plusieurs bouteilles de diverses liqueurs. L'une de ces bouteilles, étiquetée chartreuse verte, ne refermait plus que 4 ou 5 petits verres. « C'est la chartreuse verte qu'Amanda préfère, fit-il. » Il déboucha la bouteille de chartreuse, puis la fiole apportée d'Amérique, et versa dans la première 2 cuillerées du contenu de la seconde. Cela fait, il alla dormir. « Nous le laisserons sommeiller et nous rejoindrons Mademoiselle Amanda » occupé à pêcher le goujon. Tout à coup, son attention fut détournée par un bruit curieux en cet endroit de la rivière. Des coups de sifflet retentissaient, suivis bientôt d'un choc terrible, puis de cris, de gémissements, d'appels au secours. « La rencontre de 2 trains, sans doute, » murmura la jeune fille. Elle amarra son canot au tronc du saule et se dirigea vers le théâtre de la catastrophe. Déjà, nombre de curieux se rendaient du même côté. Un spectacle effroyable s'offrit à sa vue. 3 wagons étaient complètement démolis, d'autres culbutés. De toutes parts s'élevaient des cris de douleur. Déjà, on emportait des gens blessés, sanglants, à moitié morts. Amanda, épouvantée, avait pris place près de la sortie pour voir les malheureux qu'on emportait. En ce moment, 2 médecins arrivaient. Celui du pays et le docteur Richard, que nous avons entendu causer dans la forêt avec le vieux René Bosque. Les 2 médecins se mirent en devoir d'examiner les blessés. À l'appel du chef de gare, le docteur Richard accourut et demanda « Qu'y a-t-il ? Voici ce malheureux, monsieur, je vous en prie. » Et le chef de gare désignait un corps inanimé que 2 employés du chemin de fer venaient de déposer sur le quai. Le médecin se pencha vers le blessé. Amanda se trouvait en ce moment tout près de lui. Elle poussa une exclamation « C'est lui, c'est bien lui, c'est du chemin !» Le chef de gare avait entendu l'exclamation « Vous connaissez ce jeune homme, madame » fit-il. Le souvenir du passé de Joigny ne lui permettait pas de répondre de façon affirmative à cette question. « J'avais cru, balbutia-t-elle, mais je vois bien que je me trompais, une ressemblance très vague. Ce jeune homme n'est que blessé, dit le docteur, qu'on le porte de ma part au rendez-vous des chasseurs. » « Voilà qui s'arrange mal, pensait Amanda, je n'aurais pas voulu que le baron vît du chemin. » On emportait déjà le blessé. La jeune fille suivit à quelque distance. La civière entra dans la cour de l'auberge. L'ami du baron de Retz rejoignit alors l'hôtesse. « Vous savez l'accident, madame ?» lui demanda à celle-ci. « Il s'est passé presque sous mes yeux. Je sais même qu'on vous a amené des blessés. Trois, deux dames et un jeune homme. » Ovide Soliveau entra. Il avait l'air parfaitement dispos. « Je viens d'entendre parler d'un accident, » fit-il. Amanda raconta ce qu'elle avait vu, en ayant soin de ne point parler de Duchemin reconnu par elle. Vers 7 heures, Ovide et sa compagne regagnèrent la villa des Mûriers, où on allait leur servir à dîner. Ovide prolongea le repas. Amanda servit le café. « Quelle liqueur boirez-vous, mon ami ? » demanda-t-elle. « Du rhum, ma poulette, selon mon habitude. Et vous ? Oh, moi, de la chartreuse, c'est mon faible. » Mademoiselle Amanda posa la bouteille de rhum à côté d'Ovide, remplit pour elle un petit verre de chartreuse mélangé de liqueur canadienne. Puis, ayant pris son café, vida son verre d'un seul trait, le remplit de nouveau, et, tout en causant et en fumant, le but par petites gorgées. 10h30 sonnèrent, puis 11h. Ovide quitta son siège, se dirigea vers la fenêtre du pavillon, dont il ferma le volet, et revint s'asseoir en face d'Amanda. Celle-ci continuait à fumer cigarette sur cigarette. Tout à coup, comme Jacques, 21 années auparavant, elle se trouva d'une façon foudroyante sous l'influence de la liqueur bavarde. « La gorge me brûle, fit-elle, j'ai soif. » Elle se versa un grand verre d'eau et le but avidement. Cette absorption ne fit que hâter l'effet prévu. Amanda se dressa, les membres raidis, les yeux hagards. Ovide, comprenant que le moment était venu, commença. « Eh bien, avez-vous deviné quel était l'homme qui s'est payé le couteau du quai Bourbon ?» Amanda répondit d'une voix sifflante. « L'homme, c'est le même qui est allé à Joigny, collectionner le billet faux de Duchemin, et la preuve du vol que j'ai commis chez Mademoiselle de Lyon. Est-ce que vous vous figurez que je ne vous avais point deviné depuis longtemps ? C'est vous qui, certains soirs, où vous m'avez conduite chez Lucie, avez acheté le couteau pendant que je montais. C'est vous qui êtes allé vous embusquer sur le chemin que devait suivre la pauvre fille. C'est vous qui l'avez frappée. Vous valez moins que moi, mon bien cher. Je suis une voleuse, oui, mais vous êtes un assassin. » Elle parlait de plus en plus haut et sa voix devenait stridente. Ovide se leva pour lui imposer le silence. Elle recula. « Laissez-moi, laissez-moi » s'écria-t-elle. « Ah, je vous connais, pas encore entièrement, mais je saurai bientôt qui vous êtes. Et quand j'aurai découvert le nom caché sous celui du baron de Retz, tant pis pour vous. Ah, vous pouvez me perdre. Eh bien, je vous perdrai la première. Pourquoi vouliez-vous tuer Lucie ? Il y a là un mystère que j'éclaircirai. » Ovide était devenu pâle, il tremblait. « Tais-toi, bégaya-t-il, je t'ordonne de te taire. » « Et moi, je veux parler, » répondit violemment Amanda. « Ah, tu me croyais assez sotte pour ne rien comprendre. Maintenant, je te suivrai pas à pas. Je deviendrai ton ombre. Je veux être riche, tu m'entends ? Sinon, je t'enverrai au bagne. Entends-tu ? Au bagne. Ah, ah, ah, au bagne. » Et la jeune fille eut un long éclat de rire strident. Soliveau craignait que le bruit de ce rire n'arrivât au dehors. « Te tairas-tu ? » répéta-t-il d'une voix menaçante. Amanda, dont le délire grandissait toujours, répliqua. « Me taire ? Pourquoi me taire ? Je dis la vérité. Tu n'es pas le baron de Retz. Je t'arracherai ton masque. » Amanda se tut enfin. Maintenant, des sons inarticulés remplaçaient la parole. Quelques minutes s'écoulèrent encore, puis la jeune fille s'abattit sur le parquet, en proie à des convulsions violentes. Ovide se sentit frissonner de la tête aux pieds. Jamais la liqueur canadienne n'avait produit sur Jacques Garot aucun effet de ce genre. La dose était-elle trop forte ? « Il faut tout prévoir, » pensa Soliveau. Et après avoir vidé dans les cendres du foyer le reste de la bouteille de chartreuse, il se hâta de quitter le pavillon. Comme il sortait du jardin, il se trouva en face d'une femme et d'un homme, immobile et semblant écouter. La femme, qui n'était autre que la hôtesse du rendez-vous des chasseurs, s'écria « Mais c'est monsieur le baron de Retz. » « Oui, madame, je suis en quête d'un médecin. La personne qui habite le pavillon avec moi est malade. » Ainsi, ces clameurs lamentables que nous entendions étaient poussées par elle. « Oui, madame. » « Je suis médecin, monsieur, » dit alors le docteur Richard, qui venait de panser les blessés à l'hôtel. « Disposez de moi. » Lorsque les trois personnes entrèrent dans la salle à manger, le corps de la jeune femme se tordait sur le plancher. Le docteur Richard prit un des poignets d'Amanda et posa ses doigts sur l'artère. Il souleva ensuite les paupières à moitié closes. Il écarta les lèvres contractées. Le sang ne s'en échappait plus. Une écume blanchâtre le remplaçait. Le docteur regarda fixement Ovide. « Vous êtes allé en Amérique, n'est-ce pas ? » dit-il. « Vous connaissez Cucciolino de New York ?» Soliveau devint livide en reconnaissant tout à coup le médecin que, 21 années auparavant, il avait vu causer avec le vieux Canadien, sur le pont du Lord Mayor. « Oui, monsieur, balbutia-t-il. Avez-vous de l'ammoniaque ici ? Il en faut, et vite. Vous en aurez dans 3 minutes, docteur, » fit l'hôtesse. Et elle s'élança dehors. Dès qu'elle se fut éloignée, le médecin s'approcha d'Ovide et renoua en ces termes l'entretien. « Non seulement vous avez connu à New York le Canadien Cucciolino, mais encore, Vous lui avez acheté un flacon du liquide qu'il nomme là-bas la liqueur bavarde. » Ovide comprit que toute dénégation serait superflue. En conséquence, il répondit affirmativement. « Vous aviez le désir de savoir ce que pensait cette jeune femme, » poursuivit le docteur en désignant Amanda, « et vous avez employé la liqueur canadienne. » « Je ne le nie point, mais mes motifs étaient légitimes. »« Ces motifs m'importent peu, » interrompit le médecin. « Le fait existe, voilà tout. » Et il est heureux que vous m'ayez trouvé sur votre passage, car en exagérant la dose, vous avez mis cette malheureuse à deux doigts de la mort. En ce moment, l'hôtesse apparut. Le docteur Richard prit le flacon d'alcali qu'elle apportait et laissa tomber 10 gouttes de son contenu dans un verre plein d'eau. Il s'agenouilla à côté d'Amanda, à qui il fit absorber une gorgée du mélange d'eau et d'ammoniac. L'effet produit fut instantané. Le corps devint absolument inerte. 2 autres cuillerées furent administrées par le médecin, puis il dit. « Il n'y a plus autre chose à faire que de coucher cette jeune femme. Tout danger me paraît avoir disparu. » Ovide n'avait qu'à s'incliner. Il prononça quelques paroles de gratitude et le docteur Richard quitta le pavillon. « Elle n'est pas morte, murmura-t-il. Plus rien à craindre, puisque la coquine est hors de danger. » Le médecin a cru qu'il s'agissait d'un amant jaloux, voulant faire avouer à sa maîtresse quelque trahison. « Il ne parlera pas. Ce docteur est bien l'homme que j'ai vu, assis dans la forêt. » Je ne pouvais me rappeler en quel endroit, jadis, j'avais rencontré cet homme. Je me souviens maintenant. C'était à bord du Lord Mayor. Il questionnait le Canadien au sujet des vertus de la liqueur bavarde, et il s'est trouvé là juste à point pour reconnaître les symptômes produits par cette liqueur, et pour sauver Amanda. Décidément, j'ai de la chance. Je sais ce que pense l'aimable enfant. Je connais ses projets, je suis sur mes gardes. Amanda n'est plus dangereuse.